Sir Timothy Wilbud, milliardaire, par Miguel Zamacoïs. Sir Timothy Wilbud, encore fermier dans l'Ouest il y a une dizaine d'années, aujourd'hui roi des conserves, n'était pas, comme on pouvait logiquement le supposer avant de le connaître, une sorte de sauvage mal dégrossi. Presque instantanément, il s'était adapté à son état de milliardaire et était devenu le gentleman tout à fait à son aise dans n'importe quel milieu élégant, évoluant dans le luxe comme dans son élément habituel, sachant aussi bien qu'un aristocrate de vieille souche recevoir un évêque, subventionner un théâtre, entretenir une jeune personne, acquérir hardiment un Fort Reynolds ou un cubiste authentique. De sa simple origine, il ne conservait qu'un peu de rudesse de paysan, non du Danube, mais du Missouri, dans la traduction verbale de sa pensée. Pas de circonlocution diplomatique ni d'atténuation oratoire. Son opinion, il l'exprimait doucement, mais nettement, avec les mots essentiels et suffisants, tenant pour de l'hypocrisie et pour une perte de temps les périphrases de la politesse et les simagrées de l'éducation. Ce qui surprenait surtout les gens qui entraient dans l'intimité du fermier enrichi, c'était son goût extraordinaire pour la musique. Cet homme, qui n'avait connu jusqu'à tant ans que les solos de trompe des gardeurs de bœufs, alternant avec les chœurs meuglés du futur cornet de bif, s'était révélé amateur de musique passionnée après quelques mois seulement de fréquentation dans les endroits où l'on symphonise subtilement et où l'on déguste, avec la paille de la compétence exceptionnelle, les intentions harmoniques les mieux dissimulées. Successivement à Washington, à Philadelphie et à New York, il avait été l'auditeur assidu de toutes les manifestations musicales et venu en Europe, n'avait pas manqué, soit à Londres, soit à Bayreuth, soit sur la Riviera, une seule solennité lyrique intéressante. Installé à Paris pour y passer un hiver, il était devenu, cela va sans dire, l'abonné fidèle de l'opéra comique et de toutes les salles de concert consacrées. Cette saison-là, le fameux ténor italien Golfinello faisait florès à l'Académie nationale de musique et aussi chez les mélomanes richissimes qui offraient à leurs invités des régals musicaux à 200 francs la minute, les silences compris. L'ayant entendu plusieurs fois en public ou dans des soirées particulières, Sir Timothy Wilbud avait décidé de s'offrir des auditions du célèbre artiste chez lui et pour lui seul. Mandé par le milliardaire, Golfinello s'était présenté avec cette suffisance exaspérante qui faisait de lui à la ville un fantoche parfaitement insupportable. Mais Sir Wilbud ne se laissait pas facilement impressionner. « Monsieur le ténor, » dit-il aussitôt au glorieux avec le maximum d'accent, « je vous ai entendu chanter, j'étais content. Combien vous demandez pour venir chaque jour chanter un petit morceau pour moi tout seul, tous les après-midi, pendant 2 mois ?»« Monsieur, » répondit le ténor légèrement ahuri par la brusquerie de cette offre d'affaires, que n'enguirlandaient pas les compliments coutumiers des belles écouteuses fanatiques, « monsieur, pour chanter quotidiennement pendant 2 mois un morceau devant vous seul, ce sera 3 000 francs parfois. »« Les affaires sont les affaires, » répliqua le milliardaire. « 2 mois, 3 000 francs par jour, cela fait 183 000, parce qu'un mois a 30 jours et l'autre 31. Je vous offre un arrangement à 150 000. »« Je regrette, » avait riposté le ténor d'un ton pincé, « mais je n'admets pas que l'on me marchande. Monsieur, j'ai bien l'honneur. » Il était parti, bombant le torse et dégageant d'un geste sec le bouton étincelant de sa manchette. Or, un jour, à une semaine de là, le secrétaire de Sir Wilbud, qui cherchait pour son patron, fatigué du palace, un pied à terre, annonça au milliardaire qu'il avait trouvé quelque chose de très bien. « Et ce qu'il y a de curieux, ajouta-t-il, c'est que cet appartement est précisément au-dessus de celui qu'habite l'illustrissime Golfinello. »« Ah oh, courez, avec toutes vos jambes, louez vite l'appartement !» s'écria Sir Wilbud, qui avait son idée. Son idée, facile à deviner, et qui l'amusait follement, c'était de devenir le voisin du ténor et d'entendre à l'occasion chanter gratuitement l'avantageux qui avait refusé dédaigneusement 150 000 francs. C'est ce qui arriva du reste. Chaque jour, le milliardaire, installé dans son fauteuil, entendit l'artiste roucouler des exercices, étudier des morceaux, répéter même des opéras entiers. Et il fut enchanté de ce bon tour, car il partageait la faiblesse bien connue de tous les gens riches, pouvant payer sa place au théâtre n'importe quel prix, il raffolait des billets de faveur. Ce fut très amusant pendant une quinzaine, au bout de laquelle Golfinello, travaillant à plein gosier une bonne partie de la matinée et de la journée, le voisin du dessus commença à trouver moins drôle d'être condamné à l'audition forcée à perpétuité. C'était beaucoup, c'était trop de roucola, de romances et de grands airs. Pour pouvoir lire ou écrire sans être dérangé par l'abusive activité vocale du locataire du dessous, M. Wilbod fit d'abord capitonner son cabinet de travail. Il fit ensuite calfeutrer les cheminées. Il ordonna enfin que tous les planchers fussent tapissés d'épaisses plaques de liège. Vins et forts, le ténor chantait, le son montait, montait, montait toujours. Il y avait bien une solution toute simple, déménager. Mais c'était une solution de pauvreté, ou de fortune moyenne. Elle ne venait même pas à l'esprit du milliardaire, habitué à avoir toujours le dernier mot. Alors un jour que Golfinello, particulièrement en voix, l'avait agacé un peu plus encore que de coutume, Timothy Wilbud prit son stylo et traça le laconique billet suivant, qu'il fit incontinent porter au chanteur présomptueux, au risque de le tuer d'un coup de sang. « Monsieur le ténor, je vous ai refusé 3 000 francs chaque jour pour une petite chanson. Je vous les offre à présent, pour vous taire tous les après-midi. » C'était Sir Timothy Wilbud, milliardaire, par Miguel Zamacois.